Mais je te dis, quand tu sortais chez moi pour y aller, en route, dans la rue, j'ai vu ces femmes blanches là, qui ont les chiens là, ouïa ouïa là, les petits chiens, quand tu m'as dit, je pouvais pas passer. Alors je suis venu jusqu'à son niveau. Je te dis, derrière la femme comme ça, j'ai dit, voilà, son mal a fait sauter la courir comme Capri même. Je te dis même à Goudiro la même. En Côte d'Ivoire là-bas, on danse pas ça aussi bien. Passons, elle a dansé à Boyo. C'est Dieu seulement qui connaît son affaire. Je dis quoi même, Pato? Mais j'ai nettoyé mon oreille d'abord. Ah. C'est après le blanc, c'est pas ce qu'il y a. On dit quoi là?